darling, I am so far, I am so sad, I miss you every second, every day. I miss you, I can't forget, cause all in the universe I love you. Believe me, oh my darling, forget the past, forget my life, I couldn't do, 'cause you are you, 'cause I miss you, I can't forget, 'cause all in the universe I love you. l'air pur. Couvre-toi de ta sœur Zoé, trace donc le trait qui rassure. Et que ta ligne soit belle Zoé, tes amours sont des légendes que désapprouve ton ange. Ton ange n'étreint donc qu'un morsure pour les seigneurs de la guerre. Fais donc sointer leur armure, qu'ils y voient de l'univers. Zoé, tes amours sont des légendes que désapprouve ton ange. Ton ange, tes amours sont des revanches que désapprouve ton ange. Ton ange. Ton ange.